c'est une. Tu balayes champ très, très vaste finalement, bah, avec ça, le temps sans doute plus intéressant pour des études. Deux choses préalables finalement qui sont peut-être. Enfin, on peut signaler aussi, avant de travailler sur ce sujet, est-ce que tu peux travailler dessus sans. Au moins dans le cadre des travaux précis que tu vas faire, savoir ce que c'est le développement urbain durable. Est-ce que tu peux te passer de ça? Et peut-être une façon de l'étudier, enfin, j'ai l'impression que l'envie dans ces pays de faire le développement urbain durable vient plutôt des valeurs de fond, tu le dis. Et donc, il faut peut-être interroger ou regarder de plus près, finalement, qu'est-ce que lui, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils imposent, enfin, comment. Parce que la définition du développement urbain durable pour ces pays, apparemment, il est dans des échanges, des valeurs de fond qui vont dire, bon, on souhaite ça et ça. Donc, c'est peut-être une façon de définir, au moins avoir une définition de travail sur, sur le développement durable qui me semble important pour aborder tous ces sujets. Et l'autre réflexion un peu préalable aussi, mais ça c'est parce que je ne connais pas la région géographique aussi, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu peux dire, tu peux traiter le sujet dans le cadre des pays du sud méditerranéen, ou est-ce que là-dedans il y a une université importante sur ce territoire plus vaste que l'Europe, parce que entre le Maroc et la Jordanie, est-ce que ça a du sens de dire ça ou pas? Ça, c'est déjà en amont quelques réflexions. Tu voulais réagir, Cécile, peut-être sur la même question, de vouloir prendre la parole. Ouais, enfin, je trouvais ça intéressant d'aller voir dans les injonctions des bailleurs de fonds et peut-être voir en quoi est-ce que ils ont une approche spécifique par rapport à ces pays-là ou pas du tout, enfin aussi. Ouais. C'est là, c'est une autre. Ça me fait penser à autre chose parce que ce qui m'intéresserait comme thème de recherche là-dedans aussi. Tu as dans les différents projets que tu as fait avec d'autres ou que vous avez fait, tu as construit une connaissance assez fine de la gouvernance dans ces pays, comment ça se passe. Et même dans le mot lui-même, tu parlais de modèle, de schéma de territorialisation. Tu en as évoqué, j'en ai noté quelques-uns. Il y a le schéma via on peut peut-être appeler une sorte de schéma de décentralisation via un bundling de privatisation. Ça, il y a le schéma, c'est celui de la tutelle des collectivités vedettes sur les autres, des collectivités qui. Et j'imagine que les bailleurs de fonds, justement, ça m'intéresse bien d'avoir des best practices qui peuvent progresser. Il y a le schéma de la mobilisation du local autour d'enjeux, apparemment dans ce cas-là, des enjeux plutôt sanitaires, enfin, l'électricité, sur l'électricité. Le schéma, enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres que tu as soulevé dans différents projets. Et essayer d'approcher, parce que les bailleurs de fonds, ils n'ont pas seulement des objectifs ou des idées de ce qu'ils veulent du développement durable, mais ils ont aussi des idées sur comment ça doit se mettre en place, si tu vas les interroger. Et donc, pour étudier ce que tu disais, est-ce qu'ils ont une approche spécifique de ces types de pays, est-ce que les schémas que tu trouves en étudiant autre chose sur le terrain, est-ce que ça correspond au schéma qu'on a fait les bailleurs de fonds? Une question qui rejoint la tienne, c'est une façon de la poser autrement, c'est sur la question des modèles et des rapports, enfin la circulation des modèles et des rapports nord-sud. Alors je connais pas tes travaux avant, mais j'imagine que tu as peut-être travaillé là-dessus. Et je me demandais, est-ce qu'on est avec le développement durable ou développement urbain durable dans la continuité de modèles occidentaux qu'on va essayer de quelque part de plaquer comme on l'a fait avec des réseaux classiques, ou est-ce qu'on est dans une nouvelle ère du modèle où le développement, enfin tout ce qui relève du développement durable serait pensé a priori comme, comme universel ou en tout cas comme intégrant a priori ces enjeux nord-sud, quoi. Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un modèle occidental Et là encore, pour aller encore, parce qu'il y a eu sur le développement économique, il y a eu des travaux sur aussi, on a essayé de copier le développement occidental sur est-ce qu'en effet, on fait la même chose avec le modèle de développement durable Est-ce que c'est On a vu qu'avec le développement économique, on a vu que les modèles qui ont marché ici, avec les modèles de soupe, ils ne sont pas forcément applicables, on ne peut pas les transposer. Mais après, cette question sur la définition du développement urbain durable aussi, elle nous fait penser à un texte de Gilles Pinson qui, en fait, se pose la question de comment se saisit ces objets-là, alors que est-ce que c'est un objet de recherche ou pas, ou est-ce que c'est juste. C'est un objet en soi. Enfin, je ferai passer le texte du coup. Ouais. Et puis après, il a repris un autre texte parce que. J'essaierai de retrouver entre les deux ce qu'il avait apporté. Mais du coup, il opposait la définition normative qu'on peut. Décliné en fait à partir d'une approche scientifique, etc. Et à ce moment-là, on a deux méthodes par rapport à la recherche. Une où finalement, du coup, on va voir comment ça s'applique sur le terrain et à ce moment-là, c'est de la recherche évaluative. Ou au contraire, prendre la manière dont les acteurs définissent eux-mêmes le développement urbain durable. Et du coup, il opposait un peu ces deux façons de. Et du coup, ça serait intéressant pour nourrir ton approche. Effectivement, pour rebondir sur cette suggestion, je pense qu'effectivement c'est très délicat de partir avec une définition toute faite qui viendrait soit qu'elle vienne d'une doxa un petit peu sur la mise en œuvre du développement urbain durable, tel que des ministères ou des choses comme ça commencent à la définir, soit qu'elle vienne. Des militants, soit qu'elles viennent même d'un regard qui aurait porté sur une série de projets de développement urbain durable et sur des schémas d'institutionnalisation de ces questions. Enfin, moi, je pense aux travaux de Seria Emilianos qui ont carrément travaillé là-dessus, de théoriser à partir d'une série de cas comment les choses se sont passées, ou même comment Peta Okitsuami, d'une autre manière, reprendre tous ces. Série de projets, leur mise en œuvre pour reconstituer comment ça change les logiques d'action, etc. Mais donc finalement, de fait, ils proposent des modèles d'interprétation qui sont en partie liés à ce qu'ils ont observé, au caractère contextuel de ce qu'ils ont observé. Et alors, si on prend cette définition préalable, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit militante, on va dire, ou normative, pour ensuite se plaquer cela comme un modèle d'interprétation, une grille d'analyse de ce qui se passe dans les pays que j'ai analysés, effectivement, le risque est de parvenir à des résultats trop. À une vision un peu tronquée qui risque d'omettre certains éléments, de survaloriser d'autres. Alors, effectivement, par rapport à ça, aller voir plutôt la manière dont se construit l'injonction. Chez les bailleurs de fonds, de fait, est certainement quelque chose d'important à faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment pris le temps de faire, mais c'est vrai que ça serait sans doute nécessaire. Et du coup, ça permettrait de répondre à certaines des questions que vous avez mentionnées, c'est-à-dire est-ce qu'eux-mêmes, ils reproduisent une sorte de schéma tout fait, ou est-ce qu'ils adaptent leur mécanisme à des réalités locales, c'est-à-dire est-ce que déjà, par exemple, eux une approche régionale ou est-ce qu'ils ont une approche nationale, ça répond en partie à ta remarque aussi, Rudolf. Et puis éventuellement, est-ce que eux-mêmes ont changé leur approche du développement durable entre un certain moment et un autre, c'est-à-dire entre les débuts par exemple, ou bien des choses qui sont passées il y a 10 ans et puis ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'ils ont modifié leurs approches, leurs objectifs politiques, les schémas de mobilisation qu'ils mettent derrière, effectivement. Déjà, rien que ça pourrait être assez intéressant. Bon, il faut trouver un corpus pour le faire, mais ça peut, en prenant un pays bon, que je connais bien, un ou deux pays que je connais bien, effectivement, ça peut être assez intéressant. Mais je pense qu'en même temps, il faut. C'est vrai que j'ai beaucoup dit que c'était un effet d'imposition, mais aujourd'hui, on voit que ces effets d'imposition sont reproduits, renvoyés par les États. Et il faut voir si ce qui est fait par les États, par les administrations publiques, correspond exactement à la doxa des bailleurs de fonds, parce qu'il peut y avoir des variations de. Pour ça, ça peut être intéressant d'avoir quand même une palette de différents pays, ou justement travailler sur plusieurs pays, parce que ça peut être une façon aussi de voir comment on arrive ou pas de diffuser, ou de faire prendre, créer un certain nombre d'idées sur le développement durable comment on peut aller au-delà de juste on fait parce qu'on est contraint de le faire si on n'a pas l'argent. Faire en sorte que les pays, les acteurs locaux se les internalisent. Ouais. Et donc là, c'est travail sur différentes façons de transmettre différents modèles de territorialisation qui sont imposés ou qui sont par les bailleurs de fonds. Et puis ce qui se passe dans les pays. Permet peut-être de voir comment on peut justement faire l'ajustement entre ce qu'on peut faire et ce qu'on fait dans la vie. Essayer d'aller dans le sens où on va pouvoir voir quelle approche elle serait peut-être plus efficace ou a plus d'effet ou a plus de sens que l'autre. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas. Ah oui, c'est pas, ça sera la façon. C'est une question qui m'intéresserait, quoi, de savoir. D'utiliser notre argent, quand on donne de l'argent à gauche, à droite, on veut bien que ça contribue ou que ça soit utilisé de façon qui contribue au développement durable. Et quels sont les moyens qu'on a pour faire en sorte que c'est effectivement le cas, ou est-ce que ça ne marche pas, ou est-ce qu'il faut poser, est-ce qu'il faut à quel niveau on peut s'adresser. Ça me semble quelque chose d'intéressant à interroger. C'est orienté sur l'action. Bon, peut-être ça va trop loin dans le sens où il faut d'abord qu'on sache un peu ce qu'est le développement durable, que peut-être ça va déjà chercher trop loin vers des solutions. Il y a tout le travail en amont qui est encore à faire. Ouais. Non, mais bon, il faut garder l'équilibre entre ces différentes tendances. Moi, c'est une manière aussi de répondre à ce que disait Laurent, c'est-à-dire que. Ouais, donc effectivement, dans un travail antérieur, on s'était interrogé sur la circulation des modèles dans le domaine de l'urbanisme. Et vraiment, on a de la planification, projet urbain aussi. Et puis après, je suis passé à d'autres objets, quoi, les services en réseau, les développements urbains durables. Et je pense qu'il y a effectivement un enjeu de circulation des modèles. Donc, d'une part, tels que les bailleurs de fonds les proposent, mais aussi tels qu'ils sont réinterprétés, internalisés, comme tu as dit, par les acteurs locaux. Et c'est quand même. Par exemple, dans le domaine des schémas d'action de type néolibéral, c'est très intéressant de voir qu'ils ne sont pas du tout effectivement portés uniquement par des bailleurs de fonds, mais ils sont très, très fortement mis en avant par des acteurs locaux. Et avec des effets de mimétisme aussi. Par exemple, dans le domaine de l'électricité, les Libanais n'arrêtent pas de prendre les Jordaniens comme exemple, en disant on veut faire la même réforme que les Jordaniens en faisant du unbundling, en faisant que l'État se retire, etc. Donc il y a un effet de miroir entre ces deux pays qui est assez fort et qui renvoie aussi à la manière dont. Ce qui est assez intéressant, c'est que quelque part, ça renvoie aussi au schéma type de l'État que les Libanais voudraient. C'est-à-dire que les Libanais qui sont affublés d'un État qui est institutionnellement centralisé mais qui est politiquement faible, ils apprécient chez les Jordaniens et l'image d'un État politique fort qui arrive à mettre en œuvre des politiques, des réformes de type libéral. assez, qui apparaissent assez marquées. Donc, finalement, c'est autant une fascination pour le modèle libéral que pour l'État qui porte ce modèle libéral. Quoi. C'est assez ambigu comme rapport d'admiration en fait, entre les deux. Donc effectivement, à chaque fois, c'est pas simplement un objet ou c'est une configuration de l'action publique en fait, hein, qui circule, enfin, qui fait l'objet du discours, pas simplement une politique. Mais en même temps, du coup, ça pose la question de la manière dont elle peut être répliquée dans une structure sociale et politique qui est complètement différente. Surtout qu'il y a, enfin, dans ce que tu as raconté, il y a quand même un élément qui est assez fort. Si on essaie de décentrer, d'oublier un peu le développement durable comme modèle, comme principe d'action, etc., c'est finalement, je me disais qu'il était beaucoup aussi question de contraintes locales, d'accès à la ressource, que ce soit par rapport aux ces questions d'énergie, de l'eau, etc., et que c'était aussi sûrement ça qui faisait beaucoup sens dans les différents terrain dont tu parlais là, c'était enfin, il y avait des contextes très très particuliers de tension autour de ça, quoi, qui était peut-être qu'on aurait peut-être tendance à oublier en partant de ce regard de développement durable et de modèle, etc., qui effectivement prône plus ou moins une décentralisation du local, mais au fond c'est aussi parce qu'il y a des contraintes bien particulières. Et ça, c'est pareil en France, hein, la manière de reposer la question de l'énergie, c'est l'histoire de post-carbone, etc. Certes, c'est une façon de mettre en pratique le développement durable, c'est une façon de le traduire en termes environnementaux, mais c'est aussi beaucoup un nouveau contexte qui se dessine en termes de coût de l'énergie et de... de production avec les collectivités locales qui du coup sont plus ou moins amenées à reprendre la main sur la production énergétique. Ouais. Et oui, ça je crois que c'est une dimension effectivement assez importante. Alors c'est vrai que quand on aborde ces pays, on les aborde souvent sous l'angle de la pénurie hydrique en particulier, mais aussi pour le Liban ou même les autres pays qui n'ont pas de pénurie à proprement parler, ils sont sous stress quand même. Ça coûte de plus en plus cher, ils ont dû faire des investissements énormes parce qu'ils ont des taux de croissance de leur consommation électrique qui sont de l'ordre de 10% par an, alors que la population augmente de 2%. Enfin, tout le monde s'équipe de climatiseurs, de nouveaux appareils électroménagers, donc il y a une très forte hausse de la consommation. Et donc là, comme tu dis, il y a une tension, du coup il y a aussi la question du coût. Bon, parfois le coût est en dessous du coût revient, et c'est pour ça que les gens s'équipent, parce qu'ils ne payent pas le vrai coût. Tu vois, c'est délicat, mais en même temps, ce coût, s'il augmente trop pour certaines catégories, ça va devenir un facteur limitant et un facteur de tension. Et puis bon, comme on est dans des pays qui sont très, très instables, ça peut être l'étincelle qui allume. Et par exemple, il y a 6 mois, il était question d'avoir une augmentation du coût de l'électricité en Jordanie pour refléter en fait tout simplement les évolutions des prix des hydrocarbures, hein, qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et au dernier moment, alors que la société d'électricité commençait à faire il y avait toute une campagne pour dire on doit absolument le faire, regardez la société d'électricité jordanienne disait on est en rouge, ça ne peut plus durer, sinon c'est déficit budgétaire, je ne sais quoi, etc. Dernier moment, il y a eu une petite brève, le roi a décidé de suspendre cette augmentation d'électricité. Comme ça. Et donc à ce moment-là, la société d'électricité a fait paraître un communiqué en disant nous allons chercher à rationaliser notre mode de fonctionnement pour couvrir ces coûts qui sont, enfin, ces problèmes de déficit. D'ailleurs, finalement, sur les derniers mois, ça n'a pas été si mal. Et donc, enfin, bon, comme quoi, c'est un enjeu super fort dans un contexte d'inflation des dernières années. Donc, il y a une décision royale pour des raisons de risque, d'émeutes, de choses comme ça, quoi. Et donc, c'est un coupé court à la prétention d'augmenter les prix. Et du coup, je crois que cette question de l'accès aux ressources et des tensions autour de l'accès aux ressources, c'est effectivement assez fort. Et ce qu'il y a par contre, c'est que c'est pas évident d'y injecter une approche territoriale. Enfin, pour l'électricité, en tout cas, c'est pas évident. pour l'eau, c'est plus facile généralement, mais pour l'électricité, c'est pas évident. Que par rapport à mon mode d'approche un peu géographique, c'est pas si évident. Et puis par rapport à ce qu'on avait pu faire au Liban, où il y avait une dimension fortement géographique, justement, là, c'est plus difficile. C'est un peu frustrant aussi pour ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, des fois, je cherche la dimension locale, je cherche la dimension géographique de la différenciation spatiale. Or, elle ne se présente pas si facilement. C'est un gros... Le réseau couvre quand même bien tout le territoire ou pas? Parce que j'imagine que l'eau, ça se traduit sur le territoire parce que c'est une question de réseau, question de... Enfin, physiquement, ça y a de l'eau à quelques endroits et pas à d'autres. L'électricité, dans le sens, c'est un peu pareil. Parce que, bon, j'imagine qu'il n'y a pas de réseau d'électricité qui va partout. Il y a des quartiers qui restent... Ça dépend des pays, mais... Alors, pour l'électricité au Liban, par exemple, ils ont des pénuries, donc d'une part au niveau national, mais surtout la pénurie n'est pas répartie également entre les régions. Parce que la capitale bénéficie d'un bon approvisionnement, avec très peu de coupures aujourd'hui, alors que les régions périphériques, ou certaines régions qui sont politiquement, du mauvais côté, ont des grosses coupures, ce qui peut susciter des révoltes et des meutes. Alors, mais pour autant, pratiquement toute la population a accès au réseau. En Jordanie, toute la population a accès au réseau, et comme il n'y a pas de pénurie, et du coup, il n'y a pas de question spatiale. Spatiale quoi, voilà. Alors après, il y a peut-être des gens qui ont l'argent de se payer. Mais du coup, ce n'est pas en termes de pénurie. Tu ne peux pas l'analyser vraiment de la même manière, du point de vue de l'enjeu de l'accès aux ressources. Après, tu peux évidemment faire des cartes de pauvreté et te dire que bon, ces gens-là, on va avoir plus de monde. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment réussi à trouver un biais pour avoir la dimension spatiale avec l'électricité. Ce qui me frustre beaucoup. Mais c'est... Et par contre, du coup, ça pose un peu aussi la question, tu vois, cette comparaison Liban-Jordanie, puis aussi la Tunisie, puis éventuellement d'autres pays que je connais simplement par la manière de lecture. Ça pose la question du cadre géographique. Est-ce que c'est un cas pertinent à l'échelle de travailler du Maroc au Liban, à la Syrie? Bon, c'est vrai qu'il y a une habitude, on va dire, qui est académique, de travailler sur ces pays-là, et puis de s'arrêter d'ailleurs à la Turquie et à l'Iran pour des raisons qui sont liées à la constitution du champ. C'est des raisons de area studies, quoi, qui sont bien délimitées comme ça institutionnellement. Pour nous, c'est vrai que c'est pas forcément très pertinent, et au contraire, avec les questions que j'aborde, on aurait plutôt tendance à distinguer les pays en fonction des types de politiques qu'ils mènent. Et en même temps, c'est peut-être, ça peut être intéressant justement, je sais pas, de dire, du coup, tu vas pas dire des choses générales sur les pays sur la Méditerranée, mais un certain nombre de modèles de pays et justement le fait que les modèles soient différents qui permet de tester des hypothèses dans un portail plus large et tout. Enfin, voilà. Ça nécessite un peu l'autre son exactement. De choses, et de fait, du coup, il ne s'agit pas du tout d'avoir un discours bouclé sur ces pays-là, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bon. Du coup, ta recherche porte moins sur la. Développement durable dans le sud d'Internet plutôt que. Enfin, ce sera plutôt. Peut-être d'après ce que. Je ne sais pas. C'est pas vraiment la transmission mondiale, mais comment la notion de développement durable prend racine dans des pays où il n'est pas encore. Enfin, je ne sais pas, qui n'a pas suivi le modèle européen de façon ou d'une autre, où il ne vient pas de ces sources-là. Il vient à un autre moment, il n'y a peut-être pas d'autres biais, il n'y a pas d'autres. Ça me semble intéressant de regarder. Oui, on peut dire que c'est des pays, effectivement, pauvres, pays émergents. C'est quand même dans un problème de luxe de s'occuper de l'émission CO2, et donc on parle des pays qui sont dans une situation. Je crois que c'est juste ce que tu dis. Mais c'est pas que ça, le développement durable, c'est pas que le. Non, et puis par rapport aussi au fait que dans ces pays, la forme de l'État et du coup la relation entre l'individu et l'État ne soit pas la même, Parce que tout ce que tu disais par rapport au réseau et à l'émergence de solutions alternatives, dans les pays européens, elles s'accompagnent aussi de nouvelles modalités d'action publique avec des formes d'individualisation, de responsabilisation des usagers. Est-ce que ça, on retrouve aussi, ou est-ce qu'au contraire, ça passe par d'autres formes d'action publique plus traditionnelles, Les ONG, ça ne peut parler. Je crois que là, on est exactement dans la problématique de comment on transpose un champ de questionnement autour d'une question comme le développement urbain durable. Mais on pourrait dire sans doute la même chose au propos du projet urbain. Et comment on transpose ce champ de questionnement dans un autre pays, ou dans un autre système de pays où, comme le disait Cécile très bien, les rapports entre les États et les individus, et l'État et les autres collectivités publiques d'ailleurs aussi, sont extrêmement différents. Et ça, c'est effectivement un enjeu de recherche assez fort, quoi, parce que justement, c'est là où tous les effets normatifs qui sont quand même liés aux objets de recherche sur lesquels on travaille, autour des enjeux de démocratisation, de nouveaux modèles de relations, de la question de la liberté, quoi, de l'union individuelle, etc., se trouvent un petit peu repris dans une situation difficile. Enfin, la transition et la transposition est délicate, quoi. Alors, par exemple, des ONG, il y a effectivement des ONG qui vont militer pour le. Cécile en avait d'ailleurs étudié certaines dans son mémoire à propos de l'action publique locale dans le domaine de l'assainissement, des décharges, des choses comme ça, dans la petite ville du Liban, dans la région du Liban qu'elle avait étudiée. Il y a effectivement au Liban un mouvement écologiste qui n'est enfin, pas puissant, mais qui a pignon sur rue quand même. Par contre, en Jordanie, la centrale nucléaire qu'ils sont en train de faire, une centrale nucléaire qui est un truc assez hallucinant, hein, dans un pays désertique, ils vont construire une centrale nucléaire au bord de l'eau, ils ont 20 km de littoral, les Jordaniens, sur lequel il y a déjà, sur ce 20 km de littoral, il va y en avoir 5 ou 6 qui sont occupés par des ports de phosphate, et des trucs comme ça, et puis des tas de ports de marchandises. Une autre partie, c'est la façade urbaine de Aqaba, et avec des resorts touristiques et des choses comme ça. Et ils veulent en plus là-dessus mettre une centrale nucléaire. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez où est Aqaba, mais c'est la pointe de la Jordanie qui est juste à côté de la pointe d'Israël. Donc autrement dit, c'est un endroit où vous avez quatre pays mitoyens à 20 km de distance, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Elat en Israël, et puis l'Égypte, avec la mer Rouge, des coraux, des trucs comme ça. Et il y a Israël juste à côté. C'est Sharm el-Sheikh. Non, Sharm el-Sheikh, c'est plus loin, mais ça veut dire qu'en termes géopolitiques, mettre une bombinette dans une centrale nucléaire, c'est un problème majeur. Ça concerne quatre pays, Israël, donc on imagine les soucis. Et ils sont en train, mais imperturbablement, ça fait 2 ans que je suis à faire, de faire leur problème centrale nucléaire. Donc c'est très étonnant. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que justement, ça pose la question de la place des ONG environnementales en Jordanie. Il y a 2 ONG environnementales qui sont partie prenante du processus d'évaluation, mais autant dire qu'elles sont là pour valider, elles s'appellent la Société Royale de l'Environnement Jordanien, je crois, et je ne sais plus leur nom, mais. Et elles sont des pures cautions, quoi, en fait. Donc en réalité, elles sont juste des bras. Des faire-valoir armés. Des faire-valoir ou des bras armés du régime jordanien. Et elles ne sont absolument pas des émanations de mobilisation collective. Voilà. Donc, voilà, ça pose vraiment cette question-là. Alors, il y a pour d'autres types d'actions publiques, tu vas trouver dans le domaine social, etc., d'autres ONG qui peuvent être assez actives, voire opposées. Tu vois. Mais là, dans le domaine de l'environnement, rien, pour l'instant, d'après ce que j'ai pu observer. Donc, et en Tunisie, c'est pareil. Voilà, mais en fait, vous avez vu. Peu de temps là, on n'en parle que pour des problèmes de mecs qui font des grèves de la faim. Parce que l'autonomie par rapport au régime est. C'est la façon de s'opposer. Voilà. Et donc, ouais, les ONG, par exemple, effectivement, là, on ne peut pas du tout parler d'un rapport à la société civile ouvert, en tout cas pour les questions dont je parle. D'y voir de plus près, mais je n'ai pas l'impression hein, dans les travaux que je vois. Donc, effectivement, c'est un schéma qui est particulier. Alors, c'est un peu différent au Maroc, hein, où je ne connais pas, mais au Maroc, il y a des ONG qui s'invitent dans la négociation de certains projets urbains, au Liban aussi. C'est quand même une autre champ d'études qui pourrait être intéressant, mais peut-être de tout point de vue, ouvrir, voir comment. France, ça parle d'autres bouts, on peut interroger ça en regardant comment c'est proposé dans d'autres, mais aussi est-ce que d'en bas il y a des mouvements, il y a des choses qui se font. Par exemple, la question de quartier informel et développement urbain durable, parce que je pense qu'il y a des éléments peut-être, mais ça tourne sans doute autour des questions sanitaires, plutôt que des questions qu'on qualifierait ici de développement durable. Enfin, mais c'est l'autre champ, je ne sais pas trop comment l'aborder, mais qui me semble. C'est intéressant de la question de le lien entre les quartiers informels et les développements durables. Est-ce que les quartiers qui sont parce qu'ils sont informels, par définition, pas gérés ou pas pilotage, est-ce qu'il y a quand même des choses qui émergent ou pas? Est-ce qu'il y a des. Et là, la question des ONG intervient peut-être, parce qu'il y a peut-être des ONG locales ou d'autres pays qui s'intéressent à ces quartiers, et comment de ce côté-là aussi. Peut se construire une notion de développement urbain durable. Alors en fait, il y a quelques travaux qui étudient en fait les mobilisations populaires en lien avec la zone publique urbaine dans ces quartiers-là, effectivement. Et il existe des tas de formes de mobilisation qui conduisent à des schémas de gouvernance assez intéressants. Mais la question, c'est que, alors justement, faire le lien avec le développement urbain durable, c'est un peu délicat parce que. Soit on prend une définition du développement urbain durable très peu environnemental et plutôt en termes procédural. Et alors c'est une manière d'étudier des nouvelles logiques aussi, participation, etc. Effectivement, c'est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que la dimension environnementale, du coup, est complètement. Elle est plus très présente, présente. Pourquoi pas, mais donc du coup, c'est autre chose. Il y a des travaux pléthores. Il y a, par exemple, sur un pays comme le Maroc. C'est impressionnant le nombre de recherches qu'il y a sur des questions comme ça. En Tunisie, non. En Égypte, un petit peu. Aussi en Syrie, un petit peu en Jordanie aussi. Donc on a des réflexions. Donc là, c'est finalement une réflexion sur de nouvelles gouvernances. C'est une nouvelle forme d'action publique qui implique de nouveaux acteurs, donc avec montée de nouveaux acteurs, co-optation de nouveaux acteurs, ou en tout cas création de nouvelles scènes de négociation liées éventuellement à des dispositifs, des nouveaux dispositifs d'action. Et éventuellement, effectivement, avec aussi des bailleurs de fonds. Donc là, oui, il y a beaucoup de questions là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les questions que tu poses. Voilà, oui. Alors en même temps, ça permettrait peut-être de différencier des choses. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr, le terrain sur ces questions-là demande un suivi très, très proche, parce que les conditions d'accès au terrain sont pas évidentes. Quoi. Mais bon, oui, c'est vrai que ça pourrait être une. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion, ça ne s'est pas trouvé, à partir des objets que moi j'avais identifiés au départ, comme tu vois, sur l'électricité, il n'y a pas du tout eu de mobilisation. C'est un peu déçu. Ça fait partie des aléas, justement. Un peu du terrain. Mais peut-être que les. Parce que j'ai l'impression que vous prenez finalement le développement urbain durable que sous son aspect environnemental, et pas dans son aspect mise en tension entre les trois pôles économique, social et environnemental. Et en fait, j'ai l'impression, alors c'est une intuition, je ne sais pas si c'est vraiment justifié, mais que, alors qu'en Europe, quand on essaye de développer le pôle environnemental, ça se fait au détriment du. Enfin, ça se fait souvent au détriment du social. Alors que peut-être que c'est plus facile dans ces pays-là, notamment sur la question de l'habitat informel, où on peut en même temps résoudre un problème social et agir en faveur de l'environnement. C'est-à-dire En résorbant ou en améliorant l'habitat informel, tu résous un certain nombre de problèmes sociaux. Ça dépend. L'habitat insalubre ou tout ça. Tu peux avoir des effets, au contraire, de d'accentuation des problèmes sociaux en résorbant. Enfin, ça dépend comment c'est fait, après, j'imagine. De toute façon, un des problèmes, c'est que, au nom du développement durable ou pas au nom du développement durable, ces questions-là de quartier informel ne sont pas résolues. En fait, je comprends tout ce que tu dis. Donc, il y a quand même un souci, c'est-à-dire que, non, on ne sait pas résoudre les problèmes de quartier informel. Alors, le développement durable, l'injonction au développement durable, de mettre de l'environnement, etc., c'est une occasion d'y revenir. Au lieu de parler en termes d'équipement des quartiers, on va parler en termes d'amélioration des assainissements et des choses comme ça. Mais au fond, à la limite, ça ne fait que compliquer la réalisation de ces objectifs. Par exemple, mettre des exigences élevées en termes d'assainissement, ça renchérit considérablement les coûts d'intervention dans ce type de quartier. Donc, sachant que les habitants déjà ont du mal à payer l'eau au robinet ou même à la borne, et que si en plus il faut qu'ils payent une taxe d'assainissement en plus de leur eau, etc. Donc en fait non, ça rajoute plutôt de la difficulté comme ailleurs, et ça va justement créer des gaps entre ceux qui peuvent éventuellement se payer certaines prestations, et qui peuvent se bénéficier de certaines prestations, ceux qui ne peuvent pas, qui vont être soit rejetés, soit écartés encore plus. Voilà, enfin, donc, c'est pas évident, en fait, comme quadrature du cercle à résoudre. Et alors, au départ, j'avais un peu prévu, là, dans mon introduction, de faire une réflexion sur comment on aborde le développement durable, donc la question de la tension entre les trois pôles, la question de la tension en termes de temporalité entre temps court et temps long, enfin, entre cette génération et la génération future, et puis entre l'espace local et puis l'espace plus large, enfin, qui sont les bénéficiaires. Mais, finalement, j'ai pas fait ça parce que je trouve que ce type de définition, ça revient quand même beaucoup à accepter une définition dominante des enjeux et qui correspond finalement pas tellement à la manière dont elle est. Je peux l'analyser, c'est-à-dire la manière dont se constituent ces politiques publiques. Et je trouve que c'est un spectre d'analyse qui risque de. Qui en tout cas ne rend pas bien compte des conditions généalogiques de l'émergence de ces questions et de la manière dont elles sont saisies par les partenaires. Alors, c'est vrai que c'est une manière intéressante de poser les débats en termes de bénéficiaires et perdants. Mais finalement, j'avais un peu pensé à ça, comment je peux l'utiliser ce schéma, enfin ces trois schémas en fait. Hein. Et j'ai un peu de mal à les rendre opérationnels, applicables pour le décryptage des cas que j'ai examinés. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Il faudrait peut-être que j'essaye quand même d'aller un peu plus loin. Mais... Voilà. Je trouve que c'est pas très évident comme. Parce que cette définition-là. Elle est quand même très normative, c'est-à-dire de trouver des équilibres entre ces pôles. Ça ne rend pas forcément compte de la. Enfin d'autres. Mais elle sous-entend un peu, c'est un problème. Enfin, je pense à trouver ça un peu. Les trois piliers qu'on présente parfois un peu, enfin, les trous qui se superposent à l'endroit, elle donne un peu à croire que si on prend un peu plus ici, il faut qu'on lâche un peu là. Oui, il y a une dimension de jeu à somme nulle. Qui est gênante parfois, je trouve. Enfin, qui fait que c'est pas ça qu'il faut, en fait. Enfin, il faut à la fois garder les politiques sociales, mais bon, il y a un autre élément qui s'ajoute. Je sais pas, je trouve que c'est finalement, bon, ça, c'est très clair, en effet, pour décrire les enjeux qui sont là, mais à l'utiliser comme une cadres d'analyse qui permettent de voir ça, c'est du développement durable, et ça, ce n'est pas évident. Il faut aussi l'appliquer concrètement. Je pense que c'est utile pour dire voilà, il y a cet équilibre, il faut qu'on le prenne en compte. Mais aller au-delà et utiliser comme outil. Moi non plus, j'ai pas vraiment réussi à l'opérationnaliser. Dans une réflexion qui porte sur les actions publiques, par exemple, justement, je trouve que c'est pas du tout évident à l'opérationnaliser. C'est ça. Parce que la dimension de. On a un analyseur de situation, mais c'est pas un analyseur dynamique en fait. Non, ça donne une description. Voilà. En revanche, c'est intéressant de voir comment la montée en puissance de nouveaux enjeux qui sont liés à cette bannière développement durable viennent rejouer une logique d'action intérieure et qu'est-ce que ça bouge, quoi. Ouais. Et sur les territoires aussi, comment ça se rejoue. Ouais, c'est ça. Alors, comment l'action publique est transformé par l'injonction de ce nouvel enjeu. Et là, on rejoint un petit peu le schéma que la dernière fois, mais ça, c'est vrai que comment l'action publique est transformée par la mise en avant de ces enjeux, de la mise en avant de nouveaux objectifs et de nouveaux modes d'action. Et est-ce que, du coup, des enjeux comme les quartiers informels, qui sont des enjeux très prégnants, est-ce qu'ils sont mis de côté et donc, ça s'ignore, ou est-ce qu'au contraire, il y a d'autres choses, enfin, ça vient réinterpréter en fait. Une question comme les quartiers informels, comme tu dis, c'est tellement prégnant, ça concerne quand même dans certaines villes 50% de la population, donc on ne peut pas le mettre de côté. Et donc, d'une certaine manière, c'est toujours central, mais par contre, c'est vrai que ça va modifier ponctuellement un certain nombre d'objectifs de politique publique, ça va rajouter une couche, en fait, éventuellement, dans des configurations existantes, donc ça va complexifier les schémas d'action publique. Après, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais il y a quelques textes aussi qui ont été écrits sur d'autres villes, par exemple d'Afrique, sur justement le transfert de nouveaux principes d'action par des bailleurs de fonds, du genre à Kinshasa ou Kigali, pardon, des villes très marquées par la guerre, avec des problèmes forts de quartiers informels, etc., et voir comment ça. Oui, ça peut m'intéresser. Enfin, ça peut mettre en perspective des choses. Là, je vois pas tout auquel tu peux faire référence, donc du coup, je n'ai pas l'air de les connaître, ça m'intéresse. C'est des jeunes chercheurs, en fait, qui doivent être en thèse actuellement. D'accord, ouais, non, je peux passer ça. D'accord. On revient à notre problème de définition, hein. C'est clair, à l'entrée de séminaire déjà. Surtout qu'on est nous-mêmes un peu comme les bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, les bailleurs de fonds, on est un peu aspiré là-dedans. Tu disais que c'était pas tes thèmes principaux, non. Mais que tu avais. En fait, aujourd'hui, si tu veux obtenir un financement. C'est ça, mon champ d'action sera exactement pareil. Exactement. Donc, comme on ne peut pas faire de recherche dans cette région, qui est peut-être en fauteuil ou juste dans son ordinateur, que tu as des frais assez lourds de déplacement, etc. De toute façon. Et donc ça pose la question de. Moi, à deux reprises, ou trois reprises déjà, j'ai répondu à des appels d'offres vraiment par rapport à ça. Et j'ai pas eu, à chaque fois d'ailleurs, répondu l'année dernière à Ville Durable, avec une équipe de collègues sur les questions de reconfiguration des gouvernances énergétiques locales. On n'a pas été pris. Et. Parce que, en fait, on n'avait pas mis. On n'avait pas d'entreprise française du secteur, on n'avait pas d'opérateur. Il n'y avait pas de bénéficiaire direct. C'était un peu triste comme. Cette année, du coup, on n'a pas répondu à la ville durable, on a répondu à la NR Sud. Je ne sais pas si ça va marcher. Sur ces questions-là, de gouvernance énergétique locale. D'accord. Et par ailleurs, donc avec Pierre-Arnaud Bartel, on a répondu à un petit appel d'offres de l'AUF, l'Agence de la Francophonie, sur. Un bilan du développement durable, vraiment on se pose ces questions-là. Et lui, il porte plutôt la dimension éco-quartier, et moi, plutôt la dimension, celle que j'ai présentée là, c'est-à-dire d'autres dispositifs, en fait. Et donc, avec des Tunisiens, c'est là où je t'avais proposé de. Oui, c'est vrai. Donc, Et au fait, c'est... Alors, donc, on a, ça y est, on vient, c'est acquis, je suis en train de faire signer la convention. Donc, bon, le financement est très réduit. En gros, il y a de l'argent plus pour les thésards tunisiens qui viendraient. Mais néanmoins, je t'en reparlerai parce qu'il y a la possibilité d'aller un petit peu là-bas, interagir avec les collègues sur. Moi, je pense surtout de leur montrer comment on aborde ces questions-là, tu vois, en France. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que, même en parlant, c'est peut-être que tu puisses aller en Tunisie, bon, éventuellement, on irait ensemble d'ailleurs, mais faire des présentations sur comment le Grand Lyon aborde les questions de plan climat, quelles sont justement la batterie des nouveaux objectifs et des nouveaux principes d'action qui sont affichés. Enfin, en comparaison, qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Donc, apparemment, en Tunisie, il se passe pratiquement rien au niveau des villes. Et tout se passe au niveau d'agences étatiques qui donnent des problèmes. Mais c'est vrai que pas pour. Je suis en train de penser à ce côté de se faire aspirer complètement par ces développements durables dont on est victime autant que les acteurs locaux, finalement. Ouais. Et je me disais que moi, j'avais. C'était quoi mes stratégies pour pas tomber là-dedans? C'était peut-être du coup de garder toujours de voir qu'est-ce qui se passerait sans ça, quoi. Enfin, de pas oublier ce qui se passe à côté, quoi. Et de quelque part, à un moment donné, toujours d'enlever les lunettes de développement durable pour. Et puis d'autre part, de voir aussi. Alors là, moi, du coup, c'est parce que c'est aussi d'autres origines de recherche et de thématiques, de pas se laisser emporter par ce côté hyper-consensuel qui sous-entendrait que finalement, le développement durable, tout le monde est d'accord et que, et que ça met tout le monde d'accord, mais qu'au contraire, ça permet de reporter ailleurs des divergences, des conflits, des définitions qui ne sont pas forcément convergentes. Et que du coup, okay, ça donne l'illusion à un moment donné qu'on est sur des objectifs partagés, mais que finalement les tensions, elles sont ou les désaccords, ils sont portés ailleurs et qu'il ne faut pas oublier d'aller voir justement où ça frotte, quoi, où ça. En fait, le problème, c'est que tout le monde est d'accord sur l'expression, enfin tout le monde presse, mais pas sur la définition. Donc, c'est ça qui complique la. Dans le sens où on ne peut pas. Enfin, c'est moi pour moi. La façon de dire, pas tomber dans le piège c'est de dire finalement, en fait, le développement durable, ça ne change rien du tout, il y a toujours un intérêt général, et puis c'est juste qu'il y a un glissement vers l'environnement, pas dans ce point par rapport à ce qu'il y a eu. Mais du coup, ça met l'accent beaucoup sur ces nouveaux objectifs environnementaux qu'on n'avait pas avant. Et finalement, dans la pratique, le développement durable, c'est ça, on sort parfois les trois piliers. Quand tu vois des politiques qui sont développées très souvent sous la bannière de développement durable, on dit qu'on a l'approche durable, très souvent on fait référence à une attention à l'environnement, plus qu'autre chose. J'ai l'impression que il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui se passerait sans la notion de développement durable? On ferait ce qu'on faisait avant, peut-être, mais en isolant un peu moins bien les maisons, on va passer ceci pour l'environnement. Mais après, ce qui est intéressant dans les services urbains, c'est qu'il y a la rencontre avec l'usager qui fait qu'il émet quand même des demandes précises. Et est-ce que du coup, ça ne crée pas de la mise en tension, en fait, la territorialisation, en fait. Parce que les politiques, justement, de développement durable, elles sont souvent impulsées par le haut, en fait. Et est-ce que la rencontre, est-ce que la territorialisation, elle n'entraîne pas quand même une prise en compte d'autres enjeux, oui, qu'on voit quand on va appliquer ça, sociaux, économiques, sociaux qui sont beaucoup imprégnants. Ouais, voilà. À un moment donné, est-ce que les acteurs, ils sont pas obligés de faire cette mise en tension, en fait? Enfin, moi, c'est toutes les questions que je me pose dans ma thèse, en fait. Bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, la territorialisation, c'est une thématique qui m'intéresse bien, parce que le mot est lui-même, pour tout, comme tout le monde l'a constaté. Mais donc il y a d'un côté l'idée d'une territorialisation du gestionnaire, de l'action politique, donc, c'est-à-dire de la construction d'un périmètre spatial de l'action, qui est un périmètre de compétences, qui est éventuellement un périmètre de discussion, qui permet d'inclure différents acteurs, etc. Mais c'est aussi prendre en compte la réalité de ce territoire à un moment donné, en termes de diversité interne, sociale, économique, géographique, etc. Donc, moi, c'est vrai que j'essaye de tirer bénéfice des deux aspects de la définition. Alors, en plus, il y a une troisième dimension, quoi, qui est plutôt la dimension affective de la territorialisation, qui est développée beaucoup par les géographes culturels ou sociaux, d'ailleurs, mais bon, donc qui m'intéresse moins. Mais en tout cas, le territoire, du coup, comme ressource dans sa diversité, etc., c'est aussi quelque chose que j'essaie d'inclure, mais là, je ne l'ai pas très bien montré, parce qu'en fait, justement, comme je disais, à travers l'électricité, je n'arrive pas à rendre compte de cette diversité territoriale. J'ai un peu essayé à différents moyens, par différents moyens, mais je n'ai pas trop réussi pour l'instant à faire ressortir cette diversité du territoire. Mais du coup, ça serait intéressant, la recherche en Tunisie, là, sur le gaz et sur... Voilà, ça m'intéresserait beaucoup, mais Fabien, il a l'air très réticent, hein, je sais pas, il n'avait pas l'air très, très, très content. C'est étudiant ? Oui. Et là, je te dis, je lui ai réécrit il y a entre la fin de semaine, parce que ça lui a envoyé un message en lui disant, bon alors, il y a 15 jours, comment ça se passe et tout, séance radio, donc ça m'embête un peu. Ah, ça faisait 15 jours seulement qu'il était là-bas ? Ouais. Parce que moi, il m'a envoyé un mail, je sais pas... il y a 2-3 semaines. Oui, mais c'est ça fait 15 jours. Et il est parti genre le 1er février, le 27 janvier. Et il avait l'air un peu dépité. Je lui dis, bah non, c'est normal. Enfin, c'est la découverte du terrain, c'est un peu aride, c'est pas facile. Mais ça se construit, quoi. Bien sûr, ouais. En fait, le problème, j'ai été malade juste avant son départ, donc je l'ai vu un peu, mais j'ai pas eu le temps de vraiment. Okay. Mais après, je lui ai quand même envoyé la grille du projet. Recherche, projet, enfin bon, donc j'avais des éléments. Il est encadré là-bas, sur la façon, contrairement à toi quand tu étais au Liban où il n'y avait pas de prof vraiment disponible, là il est dans l'université, donc il y a quand même un potentiel. Voilà. Une référence qu'il faut, mais je ne sais pas s'il a écrit sur sa thèse aux Pays-Bas, qu'il avait réussi à comment traiter les profs. Schéma assez intéressant sur justement la question de la territorialisation, des types de problèmes environnementaux qui liaient ça aussi aux complexités des enfin, je trouve ça, il s'appelle Traite de l'eau, G-E-R-T, D-E, G-R-O, Traite de l'eau. J'ai utilisé en français, je pourrais mettre sur le blog. J'ai fait une petite PowerPoint, une fois j'ai fait une présentation, une fois sur la réflexion autour de planification et développement durable aux Pays-Bas. J'ai sorti quelques différents combien. Ah oui, c'est super ça. Ouais. Ça c'est, si tu veux mettre ça sur le PowerPoint quelque part. D'accord. Mais ces références, je les trouvais parce que je crois qu'il y a des publications en anglais qui sont vraiment sur ça, quoi, comment la politique environnementale se traduit sur le territoire, un peu ce qu'il faut, une gradation, qu'est-ce qu'on peut normer, qu'est-ce qu'il faut plutôt négocier. Enfin, d'accord. C'est plus ou moins que certaines questions que je pose. Là. Le texte de Pinson, là, il n'est pas. C'est une version. Il est censé être publié, en fait, mais visiblement, la publication, elle prend beaucoup de temps, etc. Donc, c'est en cours, là. Ils ont envoyé un mail pour dire que ça allait sortir courant 2010 aux presses universitaires de Saint-Étienne. Ah, c'est le colloque où Franck avait été travaillé sur le développement. Non, 2007. C'était 2007 ou 2008. Ouais. Oui, c'est celui-là. Le développement durable saisi par les sciences sociales. Ouais. Et puis, il a fait une intervention aussi à Lausanne. C'était... Sustainability, so what? Crédit sur les promesses du développement urbain durable, et où du coup il reprenait en fait la distinction qui avait été faite par Howard Baker dans What is the Case, sur l'objet d'étude entre les objets outwear et les objets inwear, je crois. Enfin, voilà. D'accord. Pour appliquer ça à l'objet du développement. D'accord. Donc, je crois que j'ai que des notes, mais je peux les faire passer. D'accord. Ben, il ne met pas ses textes, il fait beaucoup de trucs, il met ses textes en ligne en public, ça. Si, si, attends, j'ai plein de trucs. Je l'ai, ce texte. Bah, celui-là, ouais. Du colloque de Saint-Étienne, tu l'as aussi, l'intro, c'est ça, l'intro, de, de Pinson et Mario Gauthier, je crois. Il développe pas, si, il développe déjà les objets. Bah écoute, il parle de ça. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai pas lu le truc de Sowat, enfin de Lausanne, donc. Bah je me rappelle, bah je vais, enfin bref, je vais regarder, et puis si ça apporte quelque chose en plus ou pas. Ouais. D'accord. Ben, là je regarde justement ce que fait Rancy, il y a un site web où il y aurait ces. Mais il a un défi. De 2005, mais déjà, c'est pas lui qui maintenant est là, c'est ADP. Ouais. Les ressources. Le drapeau qui tient plus qu'à un seul. Ah. Qui décadence. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. C'est tout magnifique. Ah oui. Comme quoi, on n'y fait vraiment pas attention. On ne regarde même pas le matin en arrivant. Non, mais ça fait une semaine qu'ils l'ont mis, tout neuf. Ah oui, oui. Non, mais il y a tout le temps un drapeau. Mais c'est un nouveau drapeau. C'est un nouveau. Ah, c'est un nouveau drapeau. Et déjà, il est. En fait, il a pris le week-end. Ou alors, ils vont laver, ils vont dire un lavage, et puis ça lave. On peut couper, là. Ouais. C'est pas grave.